Allô, allô, bienvenue au Lobster 18.0, un Lobster avec un format un peu plus classique. Pas de spécial Halloween ou heavy metal cette semaine, non, mais ne vous inquiétez pas, même si j'ai eu une semaine tranquille, j'ai plein de choses à dire. Et j'en ai gros après le soleil. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il est atteint. Sinon, je trouve qu'on l'a pas vu souvent en octobre. Il semble qu'on a juste des nuages au-dessus de la tête ces derniers temps. Je cherchais dans mes livres de poèmes un ode au soleil ou quelque chose du genre pour lui faire signe de revenir. Mais le mieux que j'ai trouvé, c'est un poème de Charles Baudelaire, tiré des Fleurs du Mal, qui est son recueil là, qui contient à peu près tout ce que le poète a produit. Et ce poème porte le titre « Quand le ciel bat est lourd ». Donc on se lit ça, et malheureusement, je pense que le soleil va rester caché encore quelques jours s'il reçoit le message, car ce poème est un triomphe de l'angoisse. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que l'horizon embrasant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris, quand la pluie, étalant ses immenses traînées, d'une vaste prison imite les barreaux et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, des cloches, tout à coup, sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Les Fleurs du Mal, 1855. Bon, je pense qu'on peut se lancer dans ce Lobster 18.0, un Lobster où on parle de tout mais jamais de rien. On part donc en musique, et comme on n'est pas une émission radiophonique, on s'écoute des choses qu'on entend moins souvent ou pas du tout à la radio. C'est ça les joies du podcast, on peut se perdre dans des méandres sonores et n'en tient qu'à nous d'en sortir ou de périr. On écoute un peu de rock québécois d'un groupe originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a eu ses années de gloire dans les années 70 et 80. On écoute la chanson « Les eaux qui dorment » du groupe Offenbach. Je trouve que ça commence bien le lobster, ça nous brasse juste assez pour que je vous parle de cette nouvelle qu'on a eue cette semaine. Radio-Canada titrait en nouvelle « Mammifères, oiseaux, poissons ». Sous la pression de l'homme, la Terre a vu ses populations de vertébrés sauvages décliner de 60 % de 1970 à 2014. Ça, c'est une annonce que fait le Fonds national pour la nature, le WWF, dans un bilan plus alarmant à chaque édition. Bon, qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont ce petit logo de panda qu'on voit sur certains produits. WWF, de l'anglais World Wide Fund for Nature, ou Fonds mondial pour la nature, est une organisation non gouvernementale internationale. Donc, c'est un ONGI. Puis, ils ont été créés en 1961, puis sont voués à la protection de l'environnement et fortement impliqués en faveur du développement durable. Bon, c'est l'une des plus importantes ONG environnementalistes du monde, avec plus de 5 millions de soutiens à travers le monde. Et cette organisation tirait en 2013 56 % de ses ressources des particuliers, puis le reste viendrait de secteurs publics et d'entreprises privées. Donc, j'ai pris le temps d'aller lire le rapport. Le rapport, il se nomme « Rapport Planète Vivante Canada ». Et selon leur étude, le bilan ne s'améliore pas. Mais ça, on s'en doute. On n'est pas encore rendu à faire assez attention à ce qui nous entoure pour que ça s'améliore. Mais ça s'en vient si on continue tous à faire nos petits efforts ensemble. Mais quand j'ai eu terminé de lire le rapport dont je voulais vous parler, je me demandais qui était derrière cette étude, car souvent on entend que des études sont biaisées selon qui les subventionne. Bon, là, le rapport, lui, il lance de fleurs à personne, donc je m'inquiétais pas trop. Mais je suis quand même allé voir le wiki, c'est là que j'ai vu qu'on reproche certaines choses à cet organisme. En gros, on lui reproche de frayer avec les grandes multinationales. Parmi les premiers présidents du WWF, il se trouve John H. London, qui a été le président de la compagnie pétrolière Shell. Puis par la suite, les présidents qui se succèdent font souvent partie du monde politique. Bon, je dis pas que c'est mauvais d'avoir des personnes comme ça, mais quand on lit encore un peu et qu'on fouille, on voit qu'on reproche à ce fonds d'être si proche des intérêts des multinationales qu'il a accepté de siéger dans des tables rondes avec les industries les pires de la planète pour créer des labels industriels soutenables sur le soja, les biocarbures ou encore l'huile de palme. Donc, certains dénoncent l'opacité aussi de leur financement, qui refusent de fournir une liste détaillée des entreprises qui font partie de leurs donateurs. Moi, c'est là que j'aime moins ça. Donc, en gros, en échange d'argent, j'imagine, des compagnies qui polluent beaucoup peuvent quand même apposer un logo de la WWF sur leurs produits pour se donner meilleure presse. Mais bon, comme j'ai pas 5 recherchistes avec moi pour pousser plus loin, j'en suis resté là. J'ai préféré mettre ce sujet à la poubelle. Mais ça m'a fait réfléchir quand même. Je suis un peu biaisé. D'un côté, le but de cet organisme est louable. D'un côté, on voit toutes les initiatives qui mènent à bien. Puis de l'autre, ce concubinage avec des grands pollueurs qui n'est pas nécessairement souhaitable. Mais bon, on ne vit pas dans un monde parfait, mais quand même, j'avais plus le goût de vous parler des résultats de ce rapport après avoir lu ça. Et si on se trouvait une morale à tout ça? Non, je prétends pas avoir assez de talent pour l'inventer moi-même, mais je connais quelqu'un qui le fait bien. Quelqu'un qui a écrit des fables avec des petites morales. La Fontaine, que je nomme. Les fables de La Fontaine. Et j'ai trouvé une de ces petites morales, celle du corbeau et du renard, qui s'appliquerait bien à ce concubinage que j'aime pas entre pollueurs et organismes de protection de la nature. Donc la morale de l'histoire du corbeau et du renard est celle-ci. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le renard a pu manger à sa faim, a pu remplir ses coffres car le corbeau s'est laissé avoir par ses belles histoires. Quelqu'un qui sait flatter les autres arrivera toujours à s'en sortir s'il trouve quelqu'un qui l'écoute. Corbeau, corbeau, renard, renard, Jean de la Fontaine, Jean de la Fontaine, on est hâte, écoute ça frère, Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléché lui teint à peu près ce langage. Bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ouais, sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des eaux de ses bois. À ses mots le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit mon bon monsieur, sachez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jurera mes abeutards qu'on ne lui prendrait plus. Ouh, Jean de la Fontaine. Corbeau, renard, fromage, fontaine. Corbeau, renard, fromage, fontaine. Cigale, fourmi, deuxième album. Fable. Fable. Corbeau, Voltaire, renard, Jean de la Fontaine. Fontaine, fourmi, fourmi. Corbeau, corbeau, cigale, fourmi. Renard, renard, renard, fourmi. Jean, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou. Ten. Beaucoup trop de nervosité en moi, beaucoup trop de violence. Ma plume s'aiguise, ma plume est nerveuse. Je vais parler de tous les animaux de la jungle. Jean de la Fontaine, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Cette semaine était venu le temps pour moi de faire mon renouvellement de mon permis de conduire. Et surprise au moment de lire la lettre que la SAC m'a envoyée. J'étais content en voyant le prix, 123,30. J'aurais pensé que ça aurait été plus cher. Et en regardant bien, ça aurait dû être plus cher. Le problème, c'est qu'ils ont des erreurs dans leur système. Ils ont seulement comptabilisé que j'avais eu un seul ticket de vitesse depuis 2016. Et pourtant, je pointe plusieurs tickets de vitesse chaque été en allant au chalet. Donc, je comprends pas trop où sont passées mes infractions. Mais je sais que je les ai payées. Mais c'est impossible que j'ai eu une seule infraction en 3 étés. Quand j'arrive au chalet, on me demande tout le temps si j'ai attrapé un ticket. Ma seule théorie, c'est que c'est sûrement le système informatique Phoenix qui comptabilise les tickets. C'est le genre d'erreur qui fait plaisir à voir. J'aurais pas à payer plus cher cette année pour mon permis. Mais ça m'inquiète un peu aussi. Je veux pas savoir toutes les erreurs qu'on retrouve dans les systèmes du gouvernement. Juste le système de paye Phoenix, dont on entend parler à la télé et qui suscite la colère des employés gouvernementaux qui essaient d'être payés à leur juste salaire. Lui, il a l'air aussi précis et mystérieux que Nostradamus. Oui, Nostradamus. Bon, pourquoi il s'invite dans mon podcast, lui? Un vieux grigou probablement fêlé. Mais je viens de tomber par hasard sur le fait que Michel de Nostradamus, dit Nostradamus, est né le 14 décembre 1503. Vous voyez le lien? L'autre jour, je vous parlais de ma fête le 5 décembre, journée où va sortir le nouveau Astérix et le secret de la potion magique. Et le 14 décembre, c'est spécial aussi. Pourquoi? C'est la fête de mon frère. Mon jeune frère est né le 14 décembre aussi, comme Nostradamus. Je viens de lui écrire qu'il doit retenir ça et qu'il a maintenant le droit de faire toutes les prédictions qu'il veut, que je vais le croire. Bon, des fois, je peux m'écarter un petit peu. Mais tant qu'à l'avoir amené sur le sujet, autant en parler. Michel de Nostradamus, dit Nostradamus, ou Astro Jojo, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et mort le 2 juillet 1566 à Salon-de-Provence, était un apothicaire français. Selon bien des sources qu'on ne peut nommer, sous peine d'attraper la peste ou le choléra, il aurait également été médecin. Mais ça, c'est inutile comme information. Ce qui nous intéresse surtout et qui l'a rendu célèbre, c'est bien sûr le fait qu'il aimait les crêpes au sarrasin et aller au sauna le dimanche pour y faire ses prédictions. Pour le fun, on en analyse une ensemble. Une qui n'est pas trop tordue. Je vais en choisir une judicieusement. OK, c'est un peu écrit en français archaïque, mais on le lit tel quel. C'est la Centurie 2, Quatrain 41. La voici, texte original. La grande étoile par 7 jours brûlera. Nuée fera 2 soleils apparaître. Le gros mastin toute nuit hurlera quand grand pontife changera de terroir. Bon, je reconnais déjà une partie de la prophétie. La troisième phrase qui dit « Le gros mastin toute nuit hurlera », c'est clair pour moi. Ça parle de mon ami Martin. Mais il n'est pas gros, mais grand. Donc, pour notre prophétie maison, la phrase deviendra donc « Le grand Martin toute la nuit hurlera ». C'est sûr que j'ajuste un peu les mots de la prophétie, mais moi aussi je suis né en décembre, comme Nostro Jojo Savard, donc j'ai aussi le pouvoir de prédire des choses. La grande étoile par 7 jours brûlera. Bon, si on regarde dans l'entourage de mon ami Martin, sa blonde Sandra est grande. C'est probablement d'elle la grande étoile dont parle la prophétie. La suite, nuée fera 2 soleils apparaître. Bon, moi j'ai assez d'imagination pour voir qui va faire apparaître ces 2 étoiles au niveau de son buste. C'est prophétiquement très clair. Et la finale, quand grand pontife changera de terroir. Ici, c'est un petit peu moins clair, mais Nostradamus, c'est un ratoureux. Il faut jouer sur les mots et le langage. Avec un peu d'ajustement, on arrive à décoder la prophétie. Donc, pour vous, la voici maintenant décodée. Le grand Martin, tout nu, hurlera toute la nuit, pendant que sa grande étoile en feu fera apparaître ses deux étoiles couchées entre deux tiroirs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça de comprendre Nostradamus, même si c'est écrit en vieux français. Il suffit de traduire un peu. Et il faut pas chercher de signe de destruction du monde ou de grand signe annonciateur. C'est juste un vieux barbu apothicaire qui abusait probablement trop des médicaments qu'il préparait. 78, Versailles, Chabital. Je crois bien que la France est trompée de capitale. I have a dream. Sans Martin Luther, mais avec le King. Je rêve qu'à nouveau le roi soleil brille. Et je veux voir ce rêve se réaliser. Que le château de Versailles remplace l'Élysée. Donc désolé, moi je vais pas voter. Je veux pas d'un président, mais d'un retour à la royauté. Grand Balté, Paris Hilton, je t'emmène pas à la ferme. Je t'invite au Versailles Hilton, que tu quittes la terre ferme. J'ai mis mon polo Lacoste, prends le mic et je t'accoste. Je suis encore plus timbré que la poste. C'est le son qui vient tout droit du 17e siècle. Viens célébrer mon sac, oui je t'embarque au 7e ciel. C'est ici que ta vie cesse. Je te décapite, c'est la vengeance de Louis XVI. Je voudrais porter un toast à la West Coast. Je représente Versailles, Paris, West Side. Pour tous les MC royalistes. Vive la police, c'est le hip hop de Versailles. Hip hop du West Side. Hip hop de Versailles. Hip hop du West Side. Hip hop de Versailles. Hip hop du West Side. Hip hop de Versailles. Hip hop du West Side. Dans ma cité, résidence pavillonnaire. Là où c'est dur d'exister si tu n'es pas millionnaire. Dans ma cité, on n'a pas d'équipe de foot mais une putain de chorale. Même les vrais nous like sur Facebook, on est trop d'art normal. Dans ma cité, quand on mange un McDonald's, on dit les bénédicités. Oui, on respecte la morale. Dans ma cité, le samedi soir, on sort l'eau minérale. On fume parfois des cigarettes, y'a des soirées qui dérapent. Bref, je voudrais porter un toast à la West Coast. Je représente Versailles, Paris. Bientôt le retour du roi sera plus qu'une histoire de Tolkien. C'est bizarre où m'amènent les différents sujets et la musique qui se présente à moi. J'ai l'impression que ce lobster a été projeté dans le temps, au temps des rois et reines. Ok, restons à cette époque de Nostradamus, à la Renaissance, où une autre personne, autrement plus célèbre, a marqué l'histoire. Leonardo di Ser Piero da Vinci, Léonard de Vinci pour les intimes. Né à Vinci, Toscane, le 15 avril 1452 et mort à Amboise, en Touraine, le 12 mai 1519. Pourquoi je veux vous parler de lui? Bon, à cause de son tableau qui a été vendu 450 millions, le Salvador Mundi. J'ai lu l'histoire autour de ce tableau et à mon avis, le prince d'Arabie qui a dépensé une fortune pour ce tableau s'est fait royalement avoir. Mais avant de vous dire pourquoi, parlons un peu de Léonard. Peintre florentin et un homme d'esprit universel. Léonard avait la connaissance approfondie d'un grand nombre de sujets différents. Il était à la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes. C'est d'ailleurs fou le nombre de raves qu'il a donné à son époque. On en parle encore maintenant. DJ Leonard était aussi scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Bon, c'était probablement un génie. Mais je vous en parle à cause de ce tableau, le Salvator Mundi. Maintenant qu'on en sait un peu plus autour de l'histoire de ce tableau. En gros, ce tableau est une peinture à l'huile sur bois de noyer et représente le Christ rédempteur qui donne la bénédiction de la main droite. Ce tableau aurait été commandé par le roi de France Louis XII vers les années 1500. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version de ce tableau, créée par Léonard lui-même, n'existe probablement plus. Ce qui a été vendu est l'une des versions qu'on croit avoir été réalisée par ses élèves. Et en 2005, ce tableau est vendu 10 000 $. Il ne vaut à peu près rien car il a été gravement endommagé par des tentatives de restauration. À ce moment, le Christ sur la peinture porte une barbe et des moustaches qui ont été ajoutées. Le tableau a aussi été fortement repeint et reverni. À ce moment, il subit une longue restauration qui donne la version actuelle, qui a été vendue à ce prix astronomique. Mais avant la restauration, la planche de noyer sur laquelle la toile est peinte a aussi été recollée, car elle est cassée en plusieurs morceaux. De plus, la restauratrice a dû repeindre une bonne partie de la toile. Oui, c'est écrit qu'il n'y a que la main droite qui est originale. Le reste a été retouché ou simplement repeint. Et c'est là qu'un expert authentifie quand même le tableau à Léonard de Vinci. Bon, des radiographies faites du tableau semblent prouver tout ça. Léonard se serait pratiqué sur d'autres tableaux et les contours de la tête, du vêtement et d'un bras correspondent parfaitement sur trois autres tableaux qui sont attribués à Léonard. Il a donc utilisé des calques pour reproduire ces morceaux-là sur ce tableau. Et avec cette reconnaissance que c'est un vrai tableau de Léonard de Vinci, c'est là que sa valeur s'envole et qu'il est finalement vendu à ce prix record de 450 millions. Pourquoi? Car c'est le seul tableau de Léonard de Vinci à se trouver encore entre des mains privées, les autres étant tous dans des musées. Voilà, c'est la petite histoire du Salvator Mundi. Je trouve que c'est payé un peu trop cher pour un tableau qui a été quasiment tout repeint par la restauratrice. Voilà, pour la suite, on écoute un peu de musique que Nostradamus avait prévu que j'allais faire jouer. Cette chanson est un remix de Serge Gainsbourg dans un ton qui va peut-être vous donner le goût de bouger ou de se trémousser. On s'en reparle au retour. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il a vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. We'll be right back. La chanson était à votre goût? Moi, je l'ai écoutée en boucle quelques fois pour pas vous mentir. Pour la trouver dans YouTube, les mots-clés Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde, French Remix. Aujourd'hui, dimanche 4 novembre 2018, je suis parti en safari photo et vidéo. J'en profite pendant qu'on voit le soleil. J'ai commencé par me rendre à Rigaud. J'avais dans l'idée de monter le mont Rigaud pour aller faire des time-lapse de nuages sur le dessus. Mais rendu à Rigaud, ça me tentait plus de payer le 5$ pour me parquer au centre de ski. Habituellement, je monte le mont par là. Donc, pour sauver 5$, je suis allé me stationner au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes et j'y ai fait de jolies photos. Finalement, j'ai pas eu à monter le mont. Dès cet endroit, j'ai pu filmer et photographier tout ce que j'avais prévu. Je me suis aussi rendu en marchant jusqu'au champ de patates. C'est pas trop loin de là et il y a de jolies photos à faire sur le chemin pour s'y rendre. C'est en plein milieu de la forêt, on débouche sur un champ de roches rondes, mais pas juste un petit peu. Ce champ porte aussi le nom de champ du diable. La légende dit que des fermiers ayant travaillé le dimanche ont vu toutes leurs pommes de terre se transformer en pierre comme punition de ne pas avoir respecté le jour du Seigneur, d'où le nom de champ du diable ou champ de patates. Ensuite, j'ai coupé par la campagne pour me rendre à Valleyfield. Je me suis rendu directement sur le bord de l'eau près du pont Larocque. C'est une belle place pour marcher. Il y a une piste cyclable, puis quand on marche sur le bord de l'eau, on peut voir le pont levé quand il passe des bateaux. Moi, j'ai pas été chanceux. Pas de bateau aujourd'hui. Mais j'ai fait des jolies vidéos et pris des belles photos et j'ai trouvé deux poissons blancs tout nacrés et brillants, ainsi qu'un grand héron mort que j'ai tous pris en photo. Ensuite, au retour, je suis passé par la petite grange, je me suis ramassé une bonne tarte, de la crème de poireau et un pain aux dattes, miel, amande et orange. Et comme à chaque fois, c'était délicieux. On écoute un petit peu de musique et au retour, on parle de BD. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? On bandera quand on aura envie de bander. Ouais, je voulais vous parler de ma nouvelle BD. C'est une BD qui s'appelle L'Hosticha. C'est écrit par Iris et Diane. C'est ça qui est écrit sur la couverture. La BD, ben c'est pas une BD, c'est un format différent. C'est, si on prend une BD normale, celle-là fait environ le tiers d'une BD normale, mais elle a 160 pages. Mais ce qui est drôle, c'est le sujet, ce qui est traité là-dedans. Là. C'est un petit peu vulgaire, puis ça tourne autour d'un chat. Je peux vous en lire un bout, c'est quand même assez drôle. Donc, ça commence comme ceci. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est dans son appartement, qui est en train de jouer sur son ordinateur, puis on entend « ding dong ». J'attends personne. Là, il ouvre la porte. « Miaou ». Puis là, il y a un de ses amis qui est devant lui qui dit « reprends-le, je suis plus capable ». « Miaou ». C'est l'enfer. Il a vomi sur mon couvre-lit hier. Puis là, j'avais ramené une fille chez nous. Puis tu sais, elle le trouvait super cute. Mais là, avec le vomi, OK, les nerfs. Tu rentres prendre une bière? Ouais. Miaou. Ça serait tellement plus simple si un des anciens colocs l'avait gardé, cet hostie de chat-là. Ben, je peux le reprendre à temps plein si tu veux. Non, non. Les filles aiment ça, les chats. Ça marche au bout, je te dis. Mais tu sais... quand Julie est partie, j'ai bien essayé de rappeler tous les autres. Je sais bien. Puis là, on voit qu'il recule dans le temps. Puis c'est écrit, il y a encore bien plus longtemps, en l'an 2000. Puis là, tu vois qu'il y a un gars assis sur le sofa qui s'appelle Steve. Puis qui a le chat bébé dans les mains qui dit, « Ah, t'es vraiment cute, toi. Tu t'appelleras Legolas. » Pouf, Legolas, franchement. Ouais, mais moi, je l'appelle Lego, c'est moins laid. Mais il me semblait que tout le monde l'haïssait, Steve. Non, ben, il était schizo, fait qu'il était dur à suivre, puis après, il s'est suicidé, puis tout le monde s'est senti super mal, genre. Puis là, tu vois son ami qui se met à vomir. Pfff! Quoi, il s'est suicidé? Ben oui, je pensais que tu le savais. Comment ça, ça se fait que je suis pas au courant? Ça s'est passé quand? Il y a peut-être une couple d'années. Je pense que c'est pendant que t'étais à Jonquière. Cool, personne me l'a dit. Ben là, tu peux pas partir 2 ans loin de tout le monde sans t'attendre à manquer des bouts. Ouais, mais c'est quand même pas un détail. Il s'est suicidé. Eh ben. Puis là, son chum, il dit, ben là, faut que j'y aille. Fait que là, il repart, puis en marchant vers chez lui, il se dit, bon, qui c'est qui aurait du cumin? Fait qu'il a besoin de cumin pour une recette. Puis là, il rentre dans son appartement, puis là, il monte au... Lui, il habite au 4e, mais il arrête au 2e. Puis là, tu vois qu'il hésite à appuyer sur la sonnette. Puis il dit, ah, c'est vraiment une mauvaise idée. Il est devant la porte, puis il hésite. Puis là, il se dit, c'est sûr que ça va mal se passer. Oui, mais il me semble qu'elle est du genre à avoir du cumin. Faut juste pas qu'elle soit dans une mauvaise passe. Puis là, tu vois qu'il fait une face bizarre. Allez, fais-le pour le couscous. Fait qu'il a besoin de cumin pour son couscous. Puis là, tu vois qu'il pèse sur la sonnette. Ah ouais, go! Là, on entend ding, ding. Puis au-dessus de la sonnette, c'est écrit Amélie. Puis là, la porte s'ouvre lentement. Puis là, on voit une fille qui est un peu ébouriffée. Puis elle crie Jean-Seb! Puis là, il crie shit. Ben, tu vois qu'il dit dans sa tête shit. Puis là, elle saute dans ses bras. Puis elle se met à pleurer Jean-Seb! Allô, Amélie? Mais qu'est-ce qui se passe, ma grande? Puis là, elle dit je suis une merde! Hey, je te permettrai pas de te faire du mal. T'es pas une merde, OK? Ben, je suis une folle d'abord. OK, c'est quoi qui se passe, là? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là? Puis là, tu vois qu'elle pleure, puis elle dit « Je suis pas capable de me débarrasser de mon enfance. » Puis là, Jean-Seb dit « Ah, OK. » Puis là, tu revois les deux assis dans le salon, puis là, tu vois que l'appart est tout déglingué, il y a des affaires qui traînent partout. Puis là, Amélie a dit « Tu sais, on dirait que ça m'aspire de même, tu sais. » Puis là, je me retourne, puis ça bouge dans ma tête. Tu comprends? Oui, je comprends. Puis là, Jean-Seb, il dit, écoute-moi, Amélie. D'abord, j'en peux plus de t'entendre dire que t'es folle, OK? OK. Puis là, ensuite, ferme tes yeux et cherche au fond de toi. Il y a une Amélie qui est toute seule dans un coin sombre et qui pleure. Puis là, elle se met à pleurer. Oui. Puis là, il dit, oui, mais si tu tournes ton regard un peu, tu aperçois une autre Amélie, la grande, la forte, celle qui combat l'adversité. Puis là, elle recommence à pleurer. Puis là, il dit, « C'est celle-là que tu dois chercher, la grande et belle Amélie, la combattante. » Puis là, elle crie, « Je suis laide. » Puis là, il dit, « Non, non, t'es pas laide. Tu trouves que je suis belle? » Puis là, elle la regarde dans les yeux. Il dit, « T'es la personne avec les plus beaux sourcils que je connaisse. Des sourcils de combattante, fortes, grandes. Ça, c'est la Amélie que j'aime. Allez, reprends-toi, ma grande. OK, j'en sers. T'es tellement fin avec moi, puis là, elle serre dans ses bras. Si tout le monde était comme toi, la vie serait tellement mieux. Mais non. Puis là, tu vois qu'elle descend un peu, puis là, elle disparaît. Puis là, Jean-Seb, il dit, « Tu fais quoi, là? » Là, on voit juste une bulle plus bas qui dit, « Je veux te sucer. » Puis là, il dit, « Wow, attends, non! Arrête, Amélie, stop, non! » Puis là, elle dit, « Tu veux pas que je te suce parce que tu me trouves répugnante? » Puis là, il se met la main sur la tête, puis il dit, « Seigneur! » Puis là, elle a dit, « Je suis répugnante, dis-le donc que je te dégoûte. T'es pareil comme toutes les autres, je te déteste, je te... » Puis là, il saute d'un bras, puis elle se met à pleurer. Là, tu vois Jean-Seb, il a la console, il flatte les cheveux, puis il dit « Écoute-moi, Amélie, puis regarde-moi. Amélie, regarde-moi. On s'était entendu sur le fait qu'on coucherait plus ensemble. On en avait discuté. On avait conclu que je t'abîmais, que tu méritais quelqu'un de mieux. Et t'étais d'accord, vrai ou faux? Amélie, vrai ou faux? Vrai. Si je veux pas que tu me suces, c'est qu'on avait fait un deal et faut le respecter. On est des amis, Amélie. On est des quoi? » Des amis? Voilà, on est des amis. On se rend mutuellement service et c'est normal. Et comme des amis, on partage aussi des choses. Comme par exemple, je sais pas moi, t'aurais pas du cumin à me passer? Du cumin? Oui, du cumin. Ish, je sais pas s'il m'en reste. Tu peux aller voir ma chouette? Ouais, 2 secondes. Ah oui! Il m'en reste un fond. Puis là, on entend crier du salon. Génial! Tu m'en passes-tu? Puis là, il dit, entre amis, il faut partager des choses. Puis là, elle a dit, ouais, OK, prends-le. Puis là, il la serre dans ses bras. On voit plein de petits cœurs. Merci, Amélie. Super. Bon, allez, je dois filer. C'était bien chouette. Merci pour le cumin. Tu reviendras me voir? Bien sûr, ma chouette. Allez, prends soin de toi. Pense à tes beaux sourcils de combattante. Hihi. Bye, là. Bye, Jean-Seb. Puis là, il ferme la porte, puis il dit « Hé, hé, hé, appelez-moi Jean-Seb, number one Manoli. » Donc, voilà pour les 25 premières pages de cette BD « Lost It Shop ». Je trouve que ça se lit bien dans le podcast, donc je pense qu'on va poursuivre la semaine prochaine. Comme je vous disais, il y a 160 pages environ, donc on pourra toutes la lire au cours des podcasts qui s'en viennent. Donc, à suivre dans les prochains. Puis c'est ça, le podcast va se terminer ici aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle semaine. Puis pour ceux qui veulent me laisser des commentaires, c'est comme d'habitude, c'est dans Facebook, le Lobster a sa page. Donc vous pouvez me laisser un petit message ou un salut si ça vous dit. Donc je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit pour la suite de Lost It Shop dans le prochain podcast. Au revoir! There are songs on the ring which make me feel so down. There's one, two, and three, four rings to find them all in time and drive them into darkness forever. They'll be bound. Three, four. The elves high in line, nine to the mortal, which cry. I'll keep the ring of sorrow. I'll keep the ring till I die. I'll keep the ring full of sorrow. I'll keep the ring till I die. We'll be right back. Excusez, il y a moyen de vous entretenir deux secondes? Oui, c'est à quel sujet? Non, c'est parce que je suis passé par hasard hier matin devant vos enclos. Oui, tout à fait. Et j'ai vu que vous avez une jolie petite poule blanche, là. Une poule blanche, oui. Oui, une poule blanche bien mignonne, voyez, le bel animal. Bien sûr, c'est au sujet de quoi est-ce? C'est au sujet qu'en fait c'est la mienne, et je vais vous mettre un pain dans la gueule, mais quelque chose de violent. Mais tout à fait. Eh bien, je dirais également que le genou peut partir dans les noix de manière assez soudaine et que ça pourrait éventuellement vous faire sortir les baloches par les oreilles. N'y voyez aucune malice. J'ai pas ma poule dans 5 minutes. Faut pas arrêter de pas enfumer. Me faut rentrer chez vous, là, monsieur. Fournissez travailler les honnêtes paysans. Sans ça, vous allez récolter des fauches dans le cul. Dernier ultimatum. Si vous livrez pas la poule, tu s'intègre toute la vallée. Bon, attention, hein. Vous avez affaire à un passionné de violence. Je suis à votre place, je me méfierai. Oh, bonne merde. La tuile. Je suis bien confus. Eh ben, votre poule, elle est entièrement décédée. J'ai retiré la tête du reste pas plus tard ce matin. J'espère que ça va pas vous faire défaut. Vous avez tué ma poule? Mais comment? Est-ce que vous n'êtes pas un peu marteau? Parce que là, moi, ça y est, hein. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Je vous montre, hein. Moi, je bondis, comme ça, là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté, attention, hein. Un hôtel dressé au culte de la barbarie. Eh ben, votre poule, j'ai donné à becter à mon chien. Et ça sera le même programme pour vous, Mich, si vous décarrez pas d'ici. Non, mais c'est bon. Il n'y a rien à regretter, vous êtes un malade. Messieurs, dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. Hein, si vous pouvez tâcher moyen de vous éloigner de 25 pieds, bon pied, hein, parce que ça va gicler un peu. Non, mais je suis venu simplement pour vous prévenir, pour pas qu'il y ait de malentendu. Je me suis vu dans l'obligation d'empoisonner une grande partie des vaches et des moutons de la région. Empoisonner les vaches? Et les moutons aussi. Mais pas tous, hein, moi, j'ai fait une sélection, quoi. Une sélection? Mais une sélection selon quoi? Ben, selon les propriétaires. Tous les propriétaires qui s'appelaient Roparz et qui habitaient en face de chez moi, hop, poison. Non, mais ça m'a fait mal au cœur. Hein. Vous êtes complètement dingue! J'étais condamné, de toute façon. Condamné par quoi? Mais par moi! Je les avais condamnés. Alors méfiez-vous, hein, voilà, selon que viennent les bêtes, vous risquez de tomber un peu malade si vous mangez de la viande de vache ou de mouton dans les semaines prochaines. Et vous vous rendez compte que je pourrais parfaitement vous faire descendre au trou pour un truc pareil? De vache ou de mouton, mais on bouffe que ça. Ah oui, et le lait aussi. Le lait aussi? Ah bah le lait, ça vient des vaches, c'est quand même pas de ma faute. Heureusement, il y a encore le lait de chèvre, au moins pour les mômes. Bon, les chèvres, c'est bien pareil. Hein. Mais... Vous avez dit les vaches et les moutons. Ah ben les chèvres aussi, j'avais oublié, quoi, ouais. De toute façon, ce qu'il y a mieux pour les mômes, c'est le lait d'ânesse. Voilà. Oui, sauf que des ânesses, on n'en a pas autant que des chèvres. Oui, mais en plus, je vous dis des conneries. Parce que les ânes, je comptais les empoisonner en rentrant le soir, alors... Mon Dieu, et tout ça pour se mettre sur la tronche avec l'autre crétin. Je devrais vous envoyer tous les deux aux galères pour 25 ans. Mais je devrais. Vous commencez à nous faire chier avec vos conditionnels. Balancez-moi ces deux cons aux galères et qu'on n'en parle plus. Bah, tant qu'on nous envoyait aux galères, essayez de pas nous mettre dans la même. Bah, ça risque de partir en vrille avant qu'on soit sorti du port. Bon, on va vous donner un antidote pour les bêtes empoisonnées. Vous allez partir avec et vous avez la soirée pour vous rabibocher avec l'autre débile. Si demain matin c'est pas fait, vous pouvez préparer vos valoches. Je vous garantis que vous allez voir du pays. Ouais, c'est pas mal. Seulement, il y a encore une porte de sortie. Si demain matin, tatati, tatata, non, moi je dis galère, direct. Alors voilà, c'est l'antidote. On soigne vos bêtes, on efface l'ardoise et merci, monsieur, dame. Bon, vous m'avez fait venir pour me présenter vos excuses, c'est ça? Je vous présente l'antidote. Alors prenez ce qu'on vous donne et arrêtez de nous souffler dans les narines. Mais tout à fait. En parlant d'antidote, hein... Je souhaiterais vous suggérer un endroit où vous pourriez éventuellement vous le carrer. En vous remerciant. Mais il n'y a pas de... Oh. Ah, là c'est la galère.